Activité 5, page 11. Piste 4. 1. Quelle heure est-il ? Il est 7 heures. Merci. 2. Il est quelle heure ? S'il te plaît, il est 18 heures.